Bonjour, bonsoir et bienvenue à Sur la Transversale avec moi-même Kevin Laramie. Le jour de décision numéro 2. Cette fois, c'est personnel. Sera à l'affiche sur vos écrans de TVA Sport ce dimanche à 16h30, heure de l'Est. Et nous allons parler des possibles remaniements de classement qui seront peut-être à l'affiche ce dimanche. Évidemment, l'Impact de Montréal pourrait se classé pour les séries éliminatoires, avec une victoire contre la Nouvelle-Angleterre et surtout avec une défaite ou un match nul de Columbus contre Minnesota. Aussi, le bouclier des supporters, mieux connu sous le nom de Supporters Shield, pourrait s'être gagné ce dimanche si Atlanta bat le Toronto FC au BMO Field de Toronto ou peut-être New York. New York joue contre Orlando. Si Atlanta a un match nul ou une défaite contre Toronto et New York bat Orlando au Rebel Arena, à New York, au New Jersey. Il y aura un gagnant du bouclier des supporters aussi. Et il y a une place au classement dans l'Association de l'Est qui est en danger pour le Real Salt Lake, qui est présentement en 6e position, 49 points. Nous avons le LA Galaxy qui est 7e avec 48 points. RSL, le Real Salt Lake, est la seule équipe qui ne joue pas cette fin de semaine et pourraient perdre leur place de séries éliminatoires avec une victoire de Zlatan et du LA Galaxy. Mais revenons un peu sur le dimanche divin, qui était dimanche passé au Stade Saputo, où l'Impact de Montréal a été très chanceux, non seulement avec une victoire de 2-0 contre leurs rivaux de Toronto, mais aussi avec un résultat favorable. Orlando, oui, Orlando qui bat le Crew de Columbus 2-1 avec deux pénalties pour Orlando. Un à la 96e minute qui a mis fin au débat et qui a permis à l'Impact de Montréal de demeurer en vie dans cette course pour une place aux séries éliminatoires. Bienvenue à l'émission. Vous pouvez nous suivre sur les réseaux sociaux présentement. @ sur la transversale, @ Kev Laramie, mon compte personnel. Nous avons pris la décision, il y a une semaine ou deux, de maintenant diffuser en direct sur les réseaux sociaux parce que nous croyons que c'est la meilleure place pour que vous nous écoutez, nous trouver en direct. Alors, bienvenue à vous tous. Merci de votre écoute et merci de votre temps en ce vendredi midi, 1h, c'est la même chose. Alors, l'Impact, 2-0 contre Toronto. On a eu la reprise vidéo deux fois durant ce match. Un but refusé à l'Impact et éventuellement un but accordé à l'Impact pour faute dans la boîte. On va revenir rapidement sur le match. On va écouter rapidement les commentaires de Rémi Garde, de Samuel Piette et de Michael Azira. Mais avant cela, il y a une petite controverse ou non. Lorsqu'on parle de faute dans la boîte et on parle de simulation aussi, des fois les deux vont ensemble et des fois les deux sont valables. Ce que je veux dire, c'est que oui, Piatti est tombé quand même relativement facilement dans la boîte sur ce jeu, tiré par Zavaleta. Mais aussi, il y avait faute. Son chandail a bien et bien été tiré assez pour poser au cinquième arbitre, qui est l'arbitre reprise vidéo, pour lui donner le bénéfice du doute. Il a regardé la séquence, il a contacté Baldomir Toledo en disant « Baldo, on va donc voir la reprise vidéo, là. Oui, il est tombé facilement, mais faut que tu appelles la pénalité. » Donc, on a vu ce jeu qui a donné l'avantage pour l'Impact. Et éventuellement, Piatti a marqué son deuxième du match plusieurs minutes plus tard pour donner le résultat à l'Impact. Mais ce qui était vraiment intéressant, c'était de voir les autres matchs qui avaient lieu en même temps aussi. Sur la galerie de presse, j'avais mon téléphone qui était à présenter le match Columbus-Orlando et j'avais la tablette à côté qui me montrait le match DC United. J'ai changé assez rapidement pour le DC United parce que, DC United contre NYCFC, c'était 3-0 avant même la mi-temps et il n'y avait pas vraiment de suspense pour le résultat de ce match. DC United, qui est l'équipe, je dirais, de l'heure dans la MLS, quelle performance de fin de saison, quelle contribution de Wayne Rooney, de Luciano Acosta depuis quelques mois. Wow! On parle souvent de les vieux joueurs qui arrivent de l'Europe puis qui viennent ici puis qui sont pas. Ben, Rooney est arrivé, puis il était prêt. Rooney est arrivé en MLS, plus en forme qu'il l'était avec Everton et Manchester United les dernières années. Ça paraissait évidemment sur son visage. Les poignées d'amour, ou je dirais plutôt les poignées d'amour de visage, juste en arrière, si vous regardez la vidéo ici, là, juste ici, là, on voyait qu'il y avait une différence de forme physique pour Wayne Rooney. C'est comme si il était au courant que c'est pas une ligue facile et qu'il devra se présenter avec beaucoup de sérieux et beaucoup de préparation, ce qu'il a fait. Et il était prêt à contribuer. Prêt à contribuer au succès de son équipe de DC, prêt à contribuer à faire de ses partenaires de jeu de meilleurs joueurs, à utiliser son soccer IQ, son quotient intellectuel soccer, sa vision du jeu, sa connaissance du jeu à bon escient pour mettre quelques centimètres de plus dans la confiance de ses partenaires de jeu. Et on a vu ça. Luciano Costa qui est devenu tout un autre joueur et qui a gagné en confiance. Probablement le joueur qui a plus profité de la présence de Wayne Rooney avec le DC United. Quelle équipe! Si jamais je suis une équipe qui fait des séries et je me prends DC United en première ronde, surtout si c'est au Audi Field, parce que ça pourrait, si DC United gagne cette fin de semaine, on va regarder les matchs en quelques instants, après les commentaires de Rémi Gard, Samuel Piette et Magazira. Si DC United gagne, ils peuvent monter dans le classement, et si NYCFC perdent, on sait jamais ce qui peut arriver, DC United peut monter peut-être jusqu'à la troisième position. Donc, NYCFC pourrait descendre jusqu'à la quatrième, quatrième, cinquième même. C'est possible. On va voir maintenant qui de Columbus ou de Montréal sera à la sixième position. Mais pour revenir sur ce match, écoutons les commentaires d'après-match de l'entraîneur-chef de l'Impact de Montréal, Rémi Garde. Juste avant le tour là, pour les supporters, voilà, on pensait même que le match était terminé. Vous avez annoncé le match nul et puis finalement... Victoire d'Orlando, donc c'est vrai que ça a été une après-midi avec pas mal de rebondissements, un match assez ouvert finalement, qui a basculé en notre faveur, mais bon, on va pas dire qu'on l'a contrôlé du début à la fin, loin de là, mais c'est vrai qu'on a aussi eu des opportunités avant, et assez souvent je me suis dit que ces opportunités ratées, j'espérais qu'on ne les regrette pas. Vous l'avez mentionné, vous n'avez pas dominé ce match, loin de là, mais en même temps, au niveau de l'émotion, au niveau de l'envie, contrairement peut-être à d'autres occasions ratées en milieu de saison ou en début de saison, cette fois-ci, vous avez réussi à vous imposer à ce niveau-là. Est-ce que ça, c'est pas déjà une victoire, à part la victoire pour votre groupe? Si, ce que j'ai bien aimé, c'est que on est monté en puissance dans ce match. Je pense que la première mi-temps, il y avait aussi un peu de... toujours un peu de fébrilité, même si ce match décisif, la plupart de ceux qu'on a eu à jouer à la maison sur la deuxième partie de saison, ça s'est bien passé. Mais là, effectivement, sur la deuxième mi-temps, j'ai senti le groupe monter en puissance. On a eu des occasions. Eux aussi en ont eu une ou deux. Il nous a fallu encore un très bon Evan pour nous laisser dans le match. Mais bon, on jouait aussi contre une bonne équipe. C'était un derby. Personne n'aime perdre un derby, que ce soit ici au Canada, en MLS ou ailleurs. Donc, on savait qu'il y aurait qu'ils seraient capables d'élever leur niveau à des moments. Ils ont des très bons joueurs. Malgré tout, ils n'ont pas marqué. Donc, félicitations aux joueurs. Il y avait un sentiment de play-off là, déjà ce soir, aujourd'hui au Stade Saputo. On sentait dans la foule, on sentait sur le terrain aussi, parce que c'était un derby, parce que l'enjeu était énorme. Est-ce que vous êtes un peu dans ce mode, dans cet état d'esprit-là déjà de votre côté, du côté des joueurs? Et on ne va pas dire qu'on est dans un état d'esprit play-off, parce qu'il y a encore 90 minutes à jouer et on sait qu'il faudra que l'on gagne et que de l'autre côté, que Columbus se fasse accrocher. Donc il y a encore beaucoup de si, mais vous savez, il y a quelques semaines, on aurait aimé avoir cette opportunité. Voilà, et je pense que le mode play-off, on ne l'a pas déclenché aujourd'hui, on l'a déclenché déjà il y a quelques temps avec les victoires ici à domicile. Contre Red Bull, contre Kansas, même en remontant avant, où c'était des adversaires qui étaient potentiellement difficiles à battre, Columbus ici aussi. Donc voilà, on est très content de continuer notre route jusqu'au dernier match. Je pense que c'est déjà quelque chose de positif. Vous avez sonné la cloche à la fin du match, un peu à nous revoir aux partisans sans savoir si vous voulez les revoir cette saison ou non. Qu'est-ce qui vous passait par la tête à ce moment-là, lors du tour et lors cloche? Ah, vous savez, c'est toujours agréable, cette communion entre les supporters, les partisans et les joueurs. Je pense que c'est important. J'ai pris ça comme une tradition ici. Si on m'avait dit de pas sonner la cloche, je ne l'aurais pas sonné. Voilà, ils ont insisté. Donc voilà, je pense que c'était important aussi pour les joueurs, encore une fois, d'avoir cette communion, cette fusion. On a joué plusieurs matchs ici où vraiment on a senti que le public était derrière nous. La victoire aussi à la dernière seconde contre Chicago avec le but de Daniel Lovitz, c'était un moment important. Voilà, et on a suffisamment souffert en début de saison à jouer tous ces matchs sur la route pour avoir su apprécier en deuxième partie de saison la possibilité de jouer ici et de créer quelque chose avec le public. Voilà, je crois qu'on a, on leur a donné quelques moments de bonheur et ils nous l'ont bien rendu avec leur soutien. Rémi, bon, évidemment, il reste un match qu'il faut vous remporter, mais considérant le début de saison de l'équipe et où vous êtes présentement, est-ce qu'il est trop tôt pour parler de fierté pour cette saison-ci? Oui, c'est un peu tôt. Je crois qu'on va avoir un match très difficile à New England. Voilà, donc, mais on est content encore une fois de le jouer. On va le prendre comme un match important, comme tous ceux qu'on vient de jouer. Après, on fera le bilan à la fin de saison, suivant ce qui se passera le prochain match. Merci à Rémi Garde pour ce commentaire d'après-match après la victoire de 2-0 de l'Impact contre ses rivaux de Toronto, le Toronto FC, dimanche dernier, 21 octobre, au Stade Saputo. Maintenant, nous allons entendre les commentaires d'après-match du futur capitaine de l'Impact de Montréal. Oui, oui, je le mentionne maintenant. Je le colle, comme on dit. Samuel Piette sera le futur capitaine. Et voici les commentaires de Samuel Piette après cette victoire de 2-0 de l'Impact contre les Toronto FC. Rod m'a chuchoté dans l'oreille, tu sais combien à Washington, mais c'était pas le temps de regarder le téléphone. Je pense pas que le coaching staff aurait apprécié. Mais non, on se souvient pas vraiment du score. C'est sûr que c'était là, mais en jouant, tu penses pas à ça. On était juste contents de la victoire. Puis c'est sûr qu'à la fin, quand on a vu que Columbus avait perdu à la dernière minute, on était très contents. Puis ça fait du bien d'avoir une lueur d'espoir encore. C'est un match assez égal. Parfois, Toronto semblait dominer certains aspects du jeu, mais quand même, vous avez réussi à dominer l'aspect émotionnel du match, surtout en deuxième demi. Mm-hmm. Ça n'a pas toujours été le cas pour vous. Est-ce que c'est une victoire dans la victoire d'avoir réussi justement à vous imposer de ce côté-là? Oui, c'est sûr. Je pense que ça arrive souvent avec notre style de jeu de se faire dominer, par exemple, en possession. Mais on a un plan de match qu'on a suivi jusqu'à la fin, puis on a été récompensé. Ça a fini que 2-0, mais on aurait pu en mettre 3 ou 4. Donc non, je pense qu'on est content de la performance. On commence un peu toujours au ralenti, puis finalement on trouve notre rythme d'aller, puis c'est ce qu'on a fait ce soir-là. As-tu l'impression que vous êtes déjà en mode playoff peut-être depuis quelques matchs, mais surtout aujourd'hui, est-ce qu'il y a eu un déclenchement quelconque? Bien, c'est sûr qu'on avait, c'était do or die aujourd'hui. Là, je veux dire, il fallait qu'on gagne pour se donner le plus de chances possible, puis espérer les résultats de l'autre côté. Puis bon, ça a été en notre faveur aujourd'hui, mais non, ça fait plusieurs semaines qu'on se dit qu'à chaque match, c'est le match de l'année. Là, je veux dire, ça sort souvent cette citation-là. Puis, mais là, je pense que c'est vrai, contre New England, ça va être le gros match. Début de semaine, il y avait peut-être un doute dans votre esprit, même si vous ne vouliez pas véhiculer ce message-là. Mm-hmm. Maintenant, tu as l'impression que vous êtes un peu sur un high? Oui, c'est sûr qu'en début de semaine, les scénarios n'étaient pas en notre faveur. Je veux dire, il n'y a pas beaucoup de chance. Là. Donc, puis là, s'il y en a plus, je pense que les possibilités, les pourcentages sont un peu plus élevés. Mais j'ai encore le même discours. Il se faut de gagner en fin de semaine à New England, puis on verra par après. Mais c'est sûr qu'il y a un peu plus d'espoir, là, comme je disais. Comment on approche un match de 90 minutes avec une saison sur la ligne? C'est dur, ça va être une première pour moi, je veux dire, de vivre ça, je veux dire, un match aussi important que ça passe ou ça casse, mais je pense qu'il faut pas non plus trop changer les habitudes, je pense qu'il faut se préparer comme on le fait, surtout dans les dernières semaines, rester sur ce qu'on fait de bien, puis d'approcher ce match-là comme c'est le dernier match de notre vie, je veux dire, comme j'ai dit, ça passe ou ça casse, surtout en fin de semaine. Je pense qu'il faut tout donner, puis on verra par après les autres équipes. Mais je pense que comme aujourd'hui, il faut tout laisser sur le terrain, puis après, on verra qu'est-ce qui s'est passé là. Tu connais-tu un gars, Minnesota, quelque chose? Tu sais, une coupe de 15 ans. Oui, je connais Miller un peu, ouais, je vois, c'est sûr. Une coupe de 15 ans. Ah, ouais, c'est sûr, je vais envoyer quelque chose, là, un petit message, puis peut-être un petit bonus, là, quelque chose, là, s'il gagne. Là, mais non, il faut se concentrer sur nous, mais c'est sûr que c'est pas entre nos mains, là, entre guillemets. Donc, c'est sûr qu'il est un peu dommage, mais on espère que les scénarios qui est arrivé aujourd'hui se répètent dimanche prochain. Merci à Samuel Piette, futur capitaine de l'Impact de Montréal. Vous l'avez entendu ici en premier. Il y a tellement la capacité mentale, physique et surtout la personnalité pour vraiment être le capitaine de ce club. Je le pense et je l'espère pour les prochaines années. Maintenant, écoutons Michael Azira, un des nouveaux venus de quelques mois qui a vraiment changé la face de cette équipe, le visage de cette équipe. On parle de Quincy Amérique, Bakary Sagna et Michael Azira, donc tous les noms qui finissent par A, ont vraiment changé la confiance de cette équipe, ont vraiment apporté une profondeur. Et écoutons maintenant Michael Azira en anglais. Je ferai la traduction après ses commentaires. That phase of the game, the mental aspect, especially in second half, is it like the victory, the three points were crucial, but the way you guys won it today, was it special for you? Yeah, because after half time, we thought like, you know, we could pick it up a little bit more because we need the result, and because Toronto wasn't playing for anything, so we had to go out there more hungry than them. So it was great to get the win and put us back in the picture after Columbus losing today. What happened during the halftime? Some of you asked for the result, some of you didn't want to know. Like, what happened in the situation of the other games? No, we didn't ask about it. We didn't even talk about it. We just said, you know, we need to go out there and win a game today because that gives us a chance, you know, because we don't control what other teams are doing. We had to focus on the game today. Two goals were on VAR today, one called back and one given a penalty. As a player, when this happens, how do you react? Like, if it's in my favor, I feel great, you know. If it's for the other team, it's really frustrating, but you always know, like, the referees are not perfect as well because they're trying to do their best. Their best job that they could do, and we have to respect their calls. And if they can review something and they call it back, it is what it is. You have to deal with it. Merci à Michael Azira pour ses commentaires d'après-match après la victoire de l'Impact 2-0. Pour commencer, Michael, on lui a posé la question, quel était l'aspect de votre jeu qui était le plus satisfait en deuxième demi surtout? Est-ce que c'est peut-être l'aspect mental lorsque vous êtes revenu sur le terrain et vous avez décidé de mieux jouer, de prendre les devants? Il a dit oui, c'était la façon qu'on est revenu en deuxième demi avec une plus grande faim. Nous avions faim de cette victoire, nous savions que Toronto ne jouait pour rien et nous on jouait pour tout et nous avons décidé de vraiment se concentrer, de rester concentré et d'aller chercher ce 3 points. Ensuite, Frédéric Gay de TVA Sport a demandé à Michael Azira, première question, c'était Arcadio Marcoudi du 92.5 FM. Donc Frédéric Gay a manqué à Michael. Est-ce que vous aviez voulu savoir les résultats de la Ligue lors de la mi-temps à DC, à Columbus? Est-ce que vous posez la question? Il a dit non, on ne se posait pas la question, on n'a pas posé la question. On voulait vraiment se garder notre concentration sur notre match, sur ce qu'on peut contrôler. On ne contrôle pas l'autre équipe et on voulait vraiment rester focusé sur ce qu'on contrôle. Et ensuite, j'ai demandé à Michael. Michael, il y a eu deux appels de reprise vidéo durant ce match. En tant que joueur, comment percevez-vous ces appels? Comment réagissez-vous? Comment trouvez-vous ce système? Il a mentionné, quand c'est pour nous, comme la deuxième reprise qui était sur le penalty accordé à Nacho Piatti, il a mentionné, quand c'est pour nous, c'est parfait, c'est le fun, c'est très agréable. Quand c'est contre nous, par exemple, c'est vraiment frustrant. Les arbitres n'étant pas parfaits, c'est souvent des appels qui permettent de rectifier une erreur, mais c'est ce que c'est et nous devons vivre avec. Donc, cela était les commentaires de Samuel Piette et Migard et de Michael Azira. Maintenant, ce dimanche, dans un cinéma près de chez vous, le jour de décision 2. Cette fois, c'est personnel. Peut-être. On va regarder ici les rencontres importantes pour le classement, pour le bouclier des supporters aussi. Évidemment, l'Impact de Montréal contre la Révolution de la Nouvelle-Angleterre à Foxborough, 4h30, 16h30, heure de l'Est, Montréal. Tous les matchs en passant ont lieu à 16h30 dans l'Association de l'Est, l'Association de l'Ouest. Tous les matchs sont en même temps. Et c'est ce qui sera incroyable à suivre en espérant que vous êtes membre MLS Live d'Azone. Oui, c'est pas donné, 20$ par mois, mais juste pour la semaine dernière et cette semaine, ça vaudra la peine de suivre quelques écrans en même temps pour voir les résultats à Columbus et voir surtout si Minnesota peut réussir le travail. T'as un travail à faire, Minnesota. T'as une chose à faire et c'est battre le Crew. Alors, Montréal, Nouvelle-Angleterre. Pour la sixième position dans l'Est, Montréal se doit absolument de gagner ce match. Ensuite, après la victoire de l'Impact, Montréal devra espérer un résultat favorable. Donc, on parle de match nul. Donc, Minnesota-Columbus 0-0, l'Impact gagne. Hey! L'Impact finit sixième et l'Impact se qualifie pour les séries éliminatoires. Une défaite de Columbus, évidemment, jumelée à une victoire de l'Impact. Montréal fait les séries aussi. La question qu'on se pose, hein, mais si c'est égal, c'est justement, si c'est égal, sera de cette façon. Si l'Impact gagne ce dimanche, donc 3 points l'Impact, a 46 points présentement, et le Crew de Columbus a une nulle. Les deux équipes terminent à 49. Mais déjà, l'Impact a déjà 14 victoires et le Crew en a 13. L'Impact, s'il gagne son dernier match, tombe à 15 victoires et le premier bris d'égalité dans la MLS, c'est le nombre de victoires. Ensuite, c'est le différentiel. Mais l'Impact aurait déjà la supériorité sur le nombre de victoires. Donc, ça met fin au débat. Si l'Impact gagne et le Crew termine avec un match nul, l'Impact prend la sixième position. Donc, dans l'Est, c'est la question qu'on se pose. Est-ce que c'est l'Impact ou le Crew qui fera les séries? Ensuite, dans la Ligue au complet, le bouclier des supporters, il y a deux options qui peuvent arriver. Atlanta United a 69 points. Présentement au sommet de la Ligue et joue contre le Toronto FC sur la route. C'est bizarre quand même parce que le Toronto FC est le détenteur du bouclier des supporters présentement. Donc si Atlanta gagne contre le Toronto FC, ils auront le bouclier au BMO Field devant les supporters de Toronto. En tant que supporter de Montréal, on voudrait peut-être voir ça. On va voir. L'autre option qu'il a pour le bouclier des supporters, c'est les Red Bulls de New York. 68 points présentement, deuxième dans le classement de la Ligue au complet. Un point derrière Atlanta. Si Atlanta termine avec un match nul ou une défaite contre le Toronto FC et les Red Bulls battent Orlando, les Red Bulls jouent à la maison au Red Bull Arena. Un endroit extrêmement difficile à gagner. Ça me surprendrait qu'Orlando gagne deux victoires de suite. Déjà, ça nous a assez surpris qu'Orlando gagne une de suite la semaine dernière. Les Red Bulls, s'ils gagnent à la maison, est combiné à une défaite ou à un match nul de Atlanta United, les Red Bulls seront les champions de la saison régulière dans la MLS. Les deux, avec une victoire, vont battre le record de 69 points de Toronto FC de l'année dernière. Donc, deux matchs intéressants à suivre aussi. Atlanta sur la route contre Toronto et les Red Bulls de New York à la maison contre Orlando. Et la seule autre question qu'on peut regarder, comme je mentionnais plus tôt dans l'émission, c'est le Real Salt Lake, 49 points en 6e position, et les Galaxy, 48 points en 7e position. Le Real Salt Lake ne joue pas cette fin de semaine, a déjà terminé sa saison. Le LA Galaxy a la chance de reprendre la 6e position des mains du Real avec une victoire cette fin de semaine. Et le Galaxy joue à la maison contre le Houston Dynamo. Donc, ceci sont les matchs à surveiller. Surveiller Toronto-Atlanta, New England-Montréal, Columbus-Minnesota, LA Galaxy-Houston et Red Bulls-Orlando, les matchs les plus importants. Il y a aussi d'autres matchs importants dans la Ligue. Sporting Kansas City contre LAFC. Le gagnant de ce match pourrait peut-être gagner l'Association de l'Ouest. Ou même peut-être les Seattle Sounders. S'il y a match nul de SKC-LAFC, on parle de Sounders pourrait gagner l'Association de l'Ouest en se retrouvant dernier, voilà quelques mois seulement. Quelle fin de saison pour les bruiteurs de Seattle. Il y a aussi d'autres choses qui pourraient arriver. NYCFC pourrait terminer beaucoup plus loin au classement qu'ils sont présentement. Philadelphie sur la route, s'ils gagnent, pourrait monter au classement. DC United, s'ils gagnent contre Chicago, pourrait monter au classement aussi. Plusieurs combinaisons sont possibles. Donc le jour de décision 2, cette fois, c'est personnel, sera fascinant à suivre dimanche 16h30 partout où vous écoutez. Mais non, c'est pas partout, hein, c'est bien, c'est sur DAZN ou TSN et TVA Sport pour le match de l'Impact. Oui, le match de l'Impact et le match présenté à TSN, car c'est le seul match des équipes canadiennes qui a vraiment un enjeu. Et TSN a choisi de présenter ce match New England contre Montréal. Évidemment, TVA Sports, le diffuseur officiel de la MLS au Québec, aura le match de l'Impact contre la Nouvelle-Angleterre. Mes prédictions? Ouais, la tête ou le cœur? La tête ou le cœur? C'est quelque chose qui sera très difficile. L'Impact a besoin de l'aide divine pour un deuxième dimanche de suite. Je ne pense pas que l'Impact sera des séries éliminatoires en 2018. Malheureusement, je pense qu'ils vont réussir à faire le travail à New England, même s'ils n'ont pas gagné là-bas depuis 2015. La question que je me pose, c'est est-ce que Minnesota va être capable de marquer contre Columbus? Mais ils n'ont pas besoin de marquer, c'est ça aussi. Il ne faut pas oublier que Columbus est une équipe qui a de la misère à marquer des buts. Est-ce que j'essaie de me convaincre? Est-ce que j'essaie de me donner une chance ou de changer ma prédiction? Minnesota devra ne pas accorder de but. Si Minnesota garde le match à 0-0 longtemps, Columbus sentira la pression et devra ouvrir le jeu. On se rappelle que leur seul but qu'ils ont marqué la semaine dernière contre Orlando, c'était sur un coup franc de Federico Pipa Higuain qui leur a donné l'égalité 1-1. Ben, c'est un 1-0 et ensuite Orlando a marqué un penalty 1-1 et Orlando a marqué plus tard dans le match. Donc, 3 buts sur phase arrêtée dans ce match la semaine dernière. C'est sûr que Columbus est à la maison, mais Columbus a de la misère à marquer des buts. Ils se devront d'ouvrir le jeu si jamais le score est nul et que l'Impact est en train de gagner tard dans ce match. Ils devront ouvrir les valves, pousser vers l'avant et s'exposer peut-être à une contre-attaque de Darwin Quintero et Minnesota. Mais je pense que pour l'Impact, pour avoir beaucoup de chances de gagner, ils devront espérer une bonne performance de Quintero et de Minnesota. Excusez. On parle de Quintero qui n'a pas aussi bien joué depuis l'échange de Christian Ramirez à LAFC. Quintero qui avait un bon meneur de jeu avec lui, avec Ramirez. Maintenant, Superman qui est rendu avec le LAFC donne plus de troubles au service pour Quintero. Mais si Quintero est dans une bonne journée, connaît un bon match, comme il avait déjà connu contre l'Impact en Ligue des Champions en 2015, on s'en rappellera. Je vous ai déjà conté mon histoire avec Darwin Quintero, le petit clone dans le temps. Je vous la conté rapidement. On est au stade olympique. C'est après la finale, deuxième match, le match retour de la finale de la Ligue des Champions. On attend dans la zone mixte les joueurs de Club America ou de Montréal. Les joueurs de Club America rentrent. C'est le gros party dans la chambre des joueurs. On entend les bouteilles qui revolent et on entend le champagne qui coule à flot. Darwin Quintero arrive pour sortir, pour jaser avec nous. Il nous regarde, il me regarde. C'est comme, attendez, je vais revenir. Il revient avec le trophée, pointe la petite badge de Club America. Il dit, non, je parle pas. Voici le trophée, bye. Il rentre dans le vestiaire. Donc, un petit taquin, ce Quintero. Mais j'espère que le côté taquin de Quintero ressortira ce dimanche contre Columbus. Et petit taquin va, espérons qu'il marque un but. Si Quintero marque un but et met la pression sur Columbus et que l'Impact gagne son match, ben tout est possible. À part ça, je pense pas que ça va arriver. J'espère que l'Impact saura nous prouver le contraire. Nous en saurons davantage ce dimanche, 16h30, émission spéciale sur la transversale, probablement après les matchs ou plus tard dans la soirée. C'est encore à déterminer selon mon horaire, mais nous allons voir les possibilités. Mais peut-être que l'Impact sera des séries. Nous en reparlerons en début de semaine prochaine. Encore merci à Rémi Garde, à Samuel Piette, à Michael Azira et merci à l'Impact de Montréal pour les commentaires tout au long de la saison. On se revoit après le jour de décision 2. Cette fois, c'est personnel. Et jusqu'à la prochaine fois, comme d'habitude, je vous souhaite bon soccer.